الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre de l'imam Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, dans lequel il a exposé les causes permettant l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions. Il a dit rahimahullah, parmi les causes d'augmentation de la récompense de l'action, il y a qu'elle fasse partie des actions profitables pour l'islam et les musulmans, qu'elle ait un impact, un effet et un grand profit, à l'exemple de la lutte sur le sentier d'Allah qui englobe la lutte par le corps, par l'argent et par la parole, ainsi que la controverse avec les déviants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les dépenses de ceux qui luttent sur son sentier et leur multiplication par 700. La troisième cause que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné et qui permet l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions et donc que cette action soit de celles qui ont un profit général pour la communauté. On comprend donc que les actions n'ont pas toutes le même impact et les mêmes effets. Certaines actions ont un profit limité dans le temps, par exemple. Elles ne profitent qu'au moment où elles sont accomplies, ou alors durant une période de temps donnée, tandis que d'autres profitent durant de longues années. D'autres actions ne profitent qu'à leur hauteur, ou alors à un groupe restreint de personnes, tandis que d'autres actions ont un profit durable et continu et profitent à de nombreuses personnes parmi les musulmans. Et plus le profit de l'action sera grand, plus la récompense augmentera, incha'Allah ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné l'exemple de la lutte sur le sentier d'Allah et ses différentes sortes. Car la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a un profit pour l'ensemble de la communauté. Et il a commencé par mentionner la lutte par le corps. Et la lutte par le corps, elle consiste à consacrer sa personne au triomphe de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec pour intention la recherche de l'élévation de la parole d'Allah, c'est-à-dire que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus élevée. Et il est à souligner ici, étant donné que l'on parle de lutte par le corps, que les attentats terroristes commis par la secte des Khawarij et autres parmi leurs semblables ne font en rien partie de la lutte sur le sentier d'Allah. Bien au contraire, comme l'ont mentionné les savants de la Sunnah, leurs actes font plutôt partie de la lutte sur le sentier du diable et l'islam et les musulmans sont innocents. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la lutte par l'argent. Et entre dans cela le fait de prendre en charge ceux qui luttent sur le sentier d'Allah. Entre dans cela également le fait de prendre en charge ou de participer à la diffusion de la science religieuse. Car la diffusion de la science fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci a un coût et nécessite de l'argent. Donc, participer avec son argent à cela, ceci fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par l'argent. Comme en dépensant de l'argent pour imprimer des livres ou des dépliants, prendre en charge des professeurs ou des étudiants, construire des écoles ou des centres dans lesquels on enseignera la science authentique, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui finance ses projets, il obtient sa part de récompense du profit de chacun de ses projets. Si tu finances l'impression d'un livre, par exemple, tu seras récompensé pour chaque personne qui va lire ce livre et en tirer profit, tant que ce livre existera. Si tu prends en charge un étudiant, tu seras récompensé pour ce qu'il apprend et ce qu'il propage par ta cause, et ainsi de suite. Vous voyez donc que c'est une porte de bien qui est très large et qui permet d'atteindre des récompenses que l'on ne peut dénombrer, et ce, simplement en dépensant son argent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant son agrément, sa satisfaction et sa récompense. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ces deux premières catégories de lutte sur le sentier d'Allah, qui sont la lutte par le corps et la lutte par l'argent. Et ces deux formes de lutte sont celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans Surat As-Saff, lorsqu'il a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, hal adullukum ala tijara, tunjikum min adabin alim. » Ô vous qui croyez, Ne vais-je pas vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Quel est ce commerce? Tu'minuna billahi wa rasuli. Que vous croyez en Allah et en son messager. Wa tujahiduna fi sabilillah. Et que vous luttiez sur le sentier d'Allah. Comment? Bi amwalikum wa anfusikum. Avec vos biens et vos personnes. Avec votre argent et avec vos personnes. Donc on retrouve dans ce verset ces deux catégories que l'auteur rahimahullah ta'ala a citées. Et on voit qu'elles font partie de ce commerce fructueux qui peut te permettre d'être sauvé du châtiment du feu. La troisième catégorie de lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur rahimahullah a mentionné ici, c'est la lutte par la parole. Et celle-ci, elle consiste à lutter sur le sentier d'Allah par l'enseignement de la science profitable, ou encore le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en invitant les gens à cette religion avec science et sagesse. Et ceci a lieu également par le bon conseil, par la nasiha que tu peux prodiguer à ton frère ou à ta sœur, et ainsi de suite parmi les paroles qui font partie de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela le mérite de la science et de son enseignement, mais également le mérite du commandement du bien, de l'interdiction du mal, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de manière plus générale, de la nasiha, du bon conseil et de la loyauté pour l'ensemble de la communauté. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ici une chose plus particulière qui entre dans la lutte par la parole. Et il a dit « ainsi que la controverse avec les déviants ». Et il vise par cela la réfutation du faux diffusé par ceux qui ont dévié du droit chemin. Et ceci a lieu en répliquant à leurs ambiguïtés, en les réfutant, en démontrant leurs vices et leur dangerosité. Et ce afin que les musulmans ne se laissent pas tromper par leurs ruses et ne tombent pas dans leur filet. Et ceci fait partie des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a même dit que cela est une des formes les plus immenses de lutte sur le sentier d'Allah. Réfuter les gens du faux parmi les gens de l'innovation. Ceci fait partie des fondements essentiels de notre religion par laquelle on va la préserver. C'est une cause qui permet la préservation de la religion. C'est donc d'une grande importance et d'un grand mérite. Toutefois, ceci ne doit être fait qu'avec science. L'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali, hafidhahullah ta'ala, a dit à ce sujet « Mettre en garde contre les gens du faux est une chose obligatoire, mais cela doit être fait avec science, sagesse, preuve et argument, et non avec empressement et imprudence. » Fin de citation de la parole du Cheikh. On comprend donc que cette forme de lutte n'est pas accessible à tous, mais elle est plutôt spécifique aux gens de science. Il n'est donc pas légiféré pour l'ignorant ou le commun des musulmans d'aller se mettre en danger en polémiquant avec les gens de l'innovation et des passions. En faisant cela, la personne se met en danger, car en raison de son ignorance, elle n'est pas à l'abri de se laisser captiver par une ambiguïté qui pénétrera son cœur et n'en sortira plus jamais, wal'iyadu billah. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui vont, par curiosité, écouter et lire tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Et ils vont écouter les paroles des innovateurs, les paroles des gens de l'égarement, et ils vont consulter leurs pages, écouter leurs cours, écouter leurs interventions, et ainsi de suite. Et ceci est contraire à la voix des salafs. On rapporte que deux hommes, parmi les gens des passions, sont entrés auprès de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Ils lui demandèrent s'ils pouvaient lui parler d'un hadith, mais Muhammad ibn Sirin refusa. Ils lui dirent alors, « Eh bien, nous allons te lire un verset du livre d'Allah. » Muhammad ibn Sirin refusa à nouveau et leur dit, « Soit vous vous levez et vous partez, soit je me lève et je pars. » Alors les deux hommes se sont levés et sont partis. Et des gens présents lui dirent alors, « Quelle gêne y avait-il à ce qu'ils lisent un verset ? Ce n'est qu'un verset du livre d'Allah. Quel est le problème ?» Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, leur répondit « J'ai réprouvé qu'ils lisent le verset et l'altèrent et que cela s'imprègne dans mon cœur. » Allahu Akbar. J'ai réprouvé qu'ils lisent le verset et l'altèrent et que cela s'imprègne dans mon cœur. Que dire de celui qui passe peut-être des heures quotidiennement à écouter et à lire les paroles des gens de l'égarement? Qu'est-ce qui s'imprègne dans son cœur? Est-ce que c'est comme cela qu'il va évoluer, qu'il va apprendre la science? Wallah al-musta'an. Un homme parmi les gens des passions a un jour dit à Ayyub al-Sartiyani rahimahullah ta'ala: puis-je t'interroger au sujet d'une parole? Ayyub s'en alla alors en disant: non, en aucun cas. Pas même au sujet de la moitié d'une parole. Il les boycottait. Il s'écartait d'eux. Ils avaient conscience que les cœurs sont faibles et que les ambiguïtés sont captivantes. On rapporte également que le fils de Taous, rahimahullah, était assis et un homme parmi les adeptes de la secte des Mu'tazila se mit à parler. Le fils de Taous mit alors ses doigts dans ses oreilles. Et il dit à son fils: « Oh mon fils, mets tes doigts dans tes oreilles, bouche-les bien, bouche-les fermement, et n'écoute aucune de ses paroles. » Subhanallah. Tel était le comportement de nos pieux prédécesseurs, de nos salafs, rahimahumullah ta'ala. Malgré leur science, malgré leur rang éminent, malgré leur piété et leur dévotion, ils étaient conscients du danger des ambiguïtés des gens de l'innovation et de la faiblesse des cœurs. Donc ils ne s'exposaient pas au danger. Et aujourd'hui, on voit nombre de nos frères et sœurs, parfois parmi les jeunes qui n'ont que très peu de connaissances, aller se mettre en danger en consultant les pages et les chaînes des gens de l'innovation et de l'égarement. Certains vont même jusqu'à débattre et échanger avec les innovateurs sur divers sujets. Et bien souvent, cela finissent les cœurs remplis d'ambiguïté, wal'iyadu billah. Et ceci est le premier méfait qu'il y a en ces polémiques. Un méfait qui concerne cette personne qui polémique. Elle se met en danger, elle risque de s'égarer. Et nombreux sont ceux à s'être égarés de cette manière, et à avoir quitté la voie de la droiture. Le deuxième méfait, c'est un méfait encore plus grand. C'est qu'en faisant cela publiquement à travers les réseaux sociaux, cette personne qui polémique expose tous ceux qui la suivent et tous ceux qui liront cette conversation ou l'entendront aux ambiguïtés auxquelles elle n'aura pas la science ni les arguments pour y répondre. Il va débattre avec un innovateur. Peut-être que cet innovateur va exposer certaines ambiguïtés et il ne va pas réussir à répondre de manière convaincante à cette ambiguïté. Qu'est-ce qui va se produire au final? Tous les gens qui vont lire vont penser que l'innovateur a raison. Donc au début, cette personne, elle pensait faire le bien, défendre la vérité, et au final, elle est la cause de l'affaiblissement de la vérité et de la propagation du faux, Allahul Musta'an. Ajoutez à cela, bien souvent, le manque de comportement et de sagesse que l'on observe chez ces adeptes de la polémique, qui vont parfois vouloir défendre la vérité par des procédés contraires à la voix des gens de la vérité, comme en outrepassant les limites, en insultant les gens du faux, en transgressant à leur sujet et en prononçant des paroles qui ne sont pas légiférées, donnant ainsi une mauvaise image de la voie à laquelle ils prétendent s'affilier et qu'ils prétendent défendre. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, on retient ici que cette forme de lutte sur le sentier d'Allah, la réfutation du faux, elle fait partie des plus importantes. Mais celle-ci est spécifique aux gens de science qui ont eux pour devoir de réfuter le faux et de clarifier la vérité. Quant à ceux qui n'ont pas de science, ils se contentent de suivre les gens de science et ne se mettent pas en danger, ne vont pas consulter ni chercher à débattre et polémiquer avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a fait allusion à la preuve de cette cause d'augmentation des récompenses. Et il a dit: « Et Allah a mentionné les dépenses de ceux qui luttent sur son sentier et leur multiplication par 700. » Il fait ici référence au verset 261 de Surat al-Baqarah. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. » Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 grains. Cela fait un total de 700 grains. On a déjà mentionné ce verset dans un cours précédent. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset: ceci est un encouragement immense de la part d'Allah à l'attention de ses serviteurs à dépenser leurs biens sur son sentier. Et c'est une des voies menant à Allah. Et entre dans cela les dépenses faites pour promouvoir la science profitable, pour se préparer à la lutte sur le sentier d'Allah, pour préparer ceux qui luttent et les équiper, ainsi que l'ensemble des projets de bienfaisance profitable pour les musulmans. Cela est suivi par les dépenses pour les besogneux, les pauvres et les nécessiteux. Et il est possible que ces deux choses soient réunies et que la dépense serve à combler un besoin et à aider au bien et à l'obéissance. Ces dépenses sont donc augmentées, c'est-à-dire en termes de récompense, et peuvent être multipliées par 700 ou plus encore. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Wallahu yudha'ifu liman yasha » et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et ce en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne comme foi et sincérité complète. Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala, issu de son tafsir. Et on peut méditer aussi sur les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mentionné à la fin de ce verset, qui termine par sa parole « Wallahu wasi'un alim » et Allah est celui qui fait largesse et il sait toutes choses. Allah est celui qui fait largesse, ses dons et ses faveurs, sa grâce et sa générosité sont larges et abondants. Il donne sans compter. Et il est Al-Alim. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs de ses serviteurs. Lorsqu'ils dépensent leur argent, il sait quelles sont leurs intentions. Et il rétribue chacun en fonction de cela et augmente ou non sa récompense avec largesse. Subhanahu wa ta'ala. Avant de passer à la suite de la parole de l'auteur, j'attire ici votre attention sur un point important qui est parfois négligé par certaines personnes, et c'est le fait qu'il fait aussi partie des dépenses sur le sentier d'Allah, ce que tu dépenses pour ta propre personne ainsi que ta famille et ceux qui sont à ta charge. L'éminent Cheikh, Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, a dit « Les dépenses sur le sentier d'Allah englobent les dépenses de l'homme pour sa propre personne, ses dépenses pour son épouse, pour ses enfants et pour les gens de son foyer. Il a en cela une récompense immense. En effet, si les dépenses proviennent de bons revenus et qu'elles sont faites avec une bonne intention, alors leur récompense est immense et leur bien abondant. » Fin de citation de la parole de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On voit donc que les dépenses que tu fais pour toi-même, pour tes besoins, pour les besoins de ton épouse, pour les besoins de tes enfants et tous les gens de ton foyer, tout ce que tu dépenses pour eux, mets une intention sincère de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque dépense que tu feras te permettra d'obtenir une récompense augmentée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois donc pas dans l'insouciance de ces choses-là afin de ne pas te priver de ces récompenses immenses. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit et on compte parmi les plus grandes formes de lutte, c'est-à-dire de lutte sur le sentier d'Allah, le fait d'emprunter la voie de l'apprentissage et de l'enseignement. En effet, s'occuper par cela n'a pas d'équivalent parmi les actes pour celui dont l'intention est bonne. Il y a en cela la revivification de la science et la religion, l'orientation des ignorants, l'invitation au bien, l'interdiction du mal et un bien abondant dont les serviteurs ne peuvent se passer. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que le fait que tu luttes contre toi-même pour apprendre la science religieuse, que tu patientes sur le chemin de la science, que tu redoubles d'efforts pour t'instruire en religion, alors ceci fait partie des plus grandes formes de lutte sur le sentier d'Allah. D'autant plus si l'étudiant atteint un degré de science, lui permettant à son tour d'enseigner cette science et de la propager parmi les gens. L'apprentissage et l'enseignement font donc tous deux partie de la lutte sur le sentier d'Allah et cela fait partie des meilleures des œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce en raison des nombreux bénéfices que cela comprend. Comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné, la revivification de la science, la revivification de la religion. Comment la religion perdure? Elle perdure par la diffusion de la science. S'il n'y a plus de savants, plus de gens de science, plus de prédicateurs qui transmettent cette science, comment les gens vont connaître la religion? On voit donc le rang éminent de ces personnes et l'importance de l'apprentissage et de la diffusion de cette science. Également, cela permet d'orienter les ignorants, ceux qui ignorent la religion, ceux qui ignorent les règles de leur croyance, de leur prière, de leur purification, ainsi de suite. Il y a également cela, l'invitation au bien, l'invitation aux œuvres de bien, l'invitation aux bonnes actions, l'interdiction du mal, l'interdiction des péchés, des mauvaises actions. Donc ceci, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a dit, c'est un bien abondant dont les serviteurs ne peuvent se passer. On ne peut se passer de la science, de son apprentissage et de sa diffusion. Les serviteurs ne peuvent se passer de science. Tu as besoin de science pour connaître Allah, pour connaître ta religion. Tu as besoin de science pour savoir comment prier, comment faire tes ablutions pour prier, comment te laver. Tu as besoin de science pour l'ensemble de tes adorations, pour la zakat, pour le jeûne, pour le pèlerinage, et ainsi de suite. Et même dans tes affaires mondaines et dans tes relations avec les gens, tu as besoin de science. Comment te conduire? Comment te comporter avec tes parents? Comment te comporter avec ton épouse ou avec ton époux pour les femmes? Comment te comporter avec les gens? Comment te comporter à l'égard de tes voisins, à l'égard des enfants? Également, comment faire face aux épreuves? Comment faire face aux difficultés? Et ainsi de suite. Pour tout cela, tu as besoin de science. Sans science, l'homme est perdu. Il est dans l'obscurité de l'ignorance. Donc ceci est un parmi les nombreux mérites de la science religieuse. Et c'est pour cela que certains parmi nos salafs ont dit qu'après les œuvres obligatoires, après tout ce qui est obligatoire pour toi, il n'y a rien de plus méritoire que la recherche de la science. Il n'y a rien de plus méritoire que la recherche de la science. Si tu souhaites te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accompli l'ensemble de tes obligations, alors consacre ton temps à l'apprentissage de la science religieuse. Car c'est l'œuvre la plus méritoire et la plus profitable pour le serviteur lui-même, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Mais le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a donné une précision importante ici. Car il a dit, s'occuper par cela n'a pas d'équivalent parmi les actes. Pour qui? Pour celui dont l'intention est bonne. Attention. Toujours, comme on a dit, purifier ses intentions, purifier son cœur, n'agir que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'a pas d'équivalent pour celui dont l'intention est bonne, celui dont l'intention est de se rapprocher de son Seigneur, celui dont l'intention est de dissiper son ignorance. Quant à celui qui apprend, recherchant la notoriété à s'élever parmi les gens, à s'enorgueillir ou autre mauvaise intention, alors celui-ci, il ne profite en rien de cette science. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de purifier nos cœurs. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith parmi les nombreux hadiths nous démontrant le mérite de la science et de la recherche de la science, et il a dit « Celui qui emprunte un chemin en vue d'acquérir une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Chaque effort que tu fournis dans le but d'acquérir la science religieuse fait partie des œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu avances vers le paradis. Les pas que tu fais pour te rendre dans une assise de science sont des pas pour lesquels tu es récompensé. L'acquisition de matériel pour apprendre la science fait partie des dépenses pour lesquelles tu es récompensé. L'achat de cahiers, l'achat de livres, l'achat de stylos, ainsi de suite. Ou encore l'achat de matériel moderne parmi ce qu'on utilise aujourd'hui comme un ordinateur ou autre si tu en as besoin pour étudier la science. Ces dépenses-là, elles font partie des dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des œuvres pieuses par lesquelles tu te rapproches de ton Seigneur. Et cette récompense, elle n'est pas limitée à celui qui recherche la science, ni à celui qui l'enseigne, mais elle concerne aussi toute personne qui les aide à cela, ou appelle à cela. Par exemple, celui qui a des enfants, et les aide à étudier la science, leur fournit le nécessaire pour qu'ils puissent se consacrer à l'étude de la science. Il est récompensé pour cela. Toute science que ses enfants vont apprendre et mettre en pratique, puis par la suite diffuser, Inch'Allah, il sera récompensé pour cela. Également, si ce n'est pas ton enfant, si c'est un frère, un ami ou autre, que tu aides en cela, tu seras récompensé pour chacune de ces actions qu'il a fait par ton aide et les moyens que tu as mis à sa disposition. Également, si tu appelles à cela, comme tout simplement en diffusant les annonces, des cours, des gens de science et des étudiants en science dignes de confiance par exemple. Simplement en diffusant l'annonce autour de toi, en invitant les gens à suivre une assise de science. Si tu diffuses l'annonce d'un cours profitable et que par ta cause des gens assistent à ce cours, alors tu auras la récompense du profit de chaque personne qui aura assisté à ce cours par ta cause Inch'Allah ta'ala. Chaque personne. Donc ceci est une action simple. Diffuser les annonces des cours des étudiants en sciences dignes de confiance. Tu les diffuses autour de toi, à tes proches, à tes amis, ainsi de suite. Et tu invites les gens à suivre ces cours. Tu es récompensé pour cela. Tu vois donc que c'est une récompense qui peut être immense et qui n'est pas à mépriser. Il ne faut pas négliger cela. Et toujours, bien sûr, en purifiant son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre exemple d'actions profitables pour l'islam et les musulmans et qui ont un grand profit pour la communauté, et il a dit. Entre dans cela également les projets de bienfaisance qui permettent d'aider les musulmans dans leurs affaires religieuses et leurs affaires mondaines, dont le profit est continu et la bienfaisance s'enchaîne. Le Cheikh rahimahullah nous explique ici qu'il y a des actions dont le profit est continu. Le profit n'est pas seulement au moment de l'action. Il y a certaines actions que tu peux accomplir dont le profit n'est présent qu'au moment où cette action est accomplie. Tandis que d'autres ont un profit continu, même avec les années, parfois même avec les siècles. À l'exemple de la construction de mosquées, le forage de puits, la plantation d'arbres fruitiers, la construction d'orphelinats, la construction d'écoles et autres choses semblables. Celui qui finance le forage d'un puits, par exemple. Pour chaque personne qui boira de l'eau de ce puits et profitera de l'eau de ce puits, il sera récompensé. Et même, on peut voir encore plus large et dire, pour chaque être vivant qui profitera de l'eau de ce puits, même les animaux, même si ce sont des moutons, des chats ou des chiens errants ou autres qui vont profiter de l'eau de ce puits, il sera récompensé tant que ce puits sera présent et que l'eau sortira de ce puits. Et cela peut durer de longues années. Celui qui finance ou participe physiquement à la construction d'une mosquée, pour tout le bien qui sera fait dans cette mosquée, il aura sa part de récompense, inshallah ta'ala. Chaque personne qui va venir dans cette mosquée pour prier, pour se rappeler d'Allah, pour lire le Coran, pour étudier la science, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien qui sont faites dans les mosquées. Il sera récompensé pour cela. De son vivant et même après sa mort. C'est une récompense qui continue. Une récompense très abondante que l'on peut dénombrer. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, attire notre attention à ce sujet en nous mentionnant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, explicite sur ce point particulier. Et il a dit, comme cela est rapporté, dans le hadith authentique, lorsque le serviteur meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois. Une aumône continue, une science dont on profite après lui, ou un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne un point très important, c'est que lorsque tu meurs, tes œuvres s'interrompent. Tu ne peux plus agir. Les œuvres, c'est maintenant, tant que tu es vivant. Une fois que tu seras mort, il ne restera que les regrets. Donc tant que tu es vivant, tant que tu es sur terre, profite pour agir. Car une fois mort, tes œuvres seront terminées. Tu ne pourras plus agir à nouveau. Toutefois, il y a trois types d'œuvres qui continuent de profiter aux morts, même une fois qu'il a quitté ce bas monde. La première, c'est l'aumône continue. À l'exemple de ce que l'on a mentionné, le forage d'un puits, la construction d'une école, d'une mosquée, des arbres fruitiers qui ont été plantés et dont les gens continuent de se nourrir après lui, et ainsi de suite. Tant que quelqu'un tire profit de cette aumône, tu seras récompensé, même 100 ans ou 200 ans ou 300 ans après ta mort. Il se peut même que ces actions soient la cause qu'une personne se voit sauvée après sa mort du châtiment de la tombe. C'est-à-dire qu'elle meurt et elle est châtiée, en raison de certains de ses péchés. Puis, les récompenses de ses traces, de ses actions qu'elle a laissées, ses actions continues, vont venir, bi'inillahi ta'ala, la préserver de ce châtiment. Donc on voit l'importance de penser à cela, notamment lorsque tu as des biens, lorsque tu as de l'argent que tu veux donner en aumône. Veille à dépenser cet argent dans l'aumône qui te sera le plus profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'aumône qui te sera le plus profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui sera le plus profitable à la communauté, et notamment celle qui fera partie des aumônes continues. Et si tu fais cela, alors tu verras tes récompenses grandement augmenter, bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième œuvre parmi les œuvres pour lesquelles le serviteur continue d'être récompensé après sa mort est liée à la science dont on tire profit après lui. S'il a laissé par exemple des livres qu'il a écrits ou qu'il a traduits, des écrits, ou s'il a laissé une science de par ses biens, comme en participant, en finançant la diffusion de cette science. Il continue d'être récompensé pour cela. Également, ceux à qui il a transmis une science et qui continuent d'œuvrer selon cette science, il est récompensé pour cela. On va donner un exemple tout simple, qui peut échapper à beaucoup de personnes et dont le mérite est immense en réalité. Si tu enseignes à ton enfant, Surat al-Fatiha, cette surat que tout le monde connaît. Si tu l'enseignes à ton enfant, il va réciter cette surat dans chacune des unités de sa prière. À chaque fois qu'il va prier, il récite Surat al-Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha. C'est un pilier de la prière. Donc toute prière obligatoire ou surérogatoire, à chaque fois qu'il va la réciter, tu seras récompensé, Inch'Allah ta'ala. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il va faire, lui, quand il va grandir et qu'il aura à son tour des enfants? Il va l'enseigner à ses enfants. Et lui, il aura la récompense pour cet enseignement à ses enfants. Mais toi aussi, comme c'est toi qui lui as enseigné, tu auras cette récompense, tu auras ta part de récompense. Et ainsi de suite, génération après génération. Le premier obtient la récompense de tous ceux qui vont apprendre après lui, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. Car celui qui indique un bien, il obtient la récompense de celui qui le fait. Donc tu vois l'importance de la transmission de la science, de son apprentissage et de sa transmission. Chaque science que tu enseignes à une personne, si tu es la cause pour qu'une personne connaisse le mérite d'une prière, le mérite des rawatib, et que cette personne met en pratique cela, et qu'elle le transmet après à d'autres, tu obtiens ta part de récompense à chaque fois que cette science est transmise et mise en pratique, bi'inillahi ta'ala. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. C'est-à-dire que lorsque l'homme meurt, s'il laisse derrière lui un enfant vertueux qui va invoquer pour lui, « Oh Allah, pardonne à mes parents, fais-leur miséricorde, fais-les entrer au paradis, couvre-les de ta grâce, et ainsi de suite parmi les invocations. » Alors ceci profite à la personne même après sa mort. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de parents qui seront élevés à des degrés éminents au paradis. Ils seront surpris de cela, ils demanderont « Oh Allah, que nos vœux seront ?» Comme s'ils avaient jugé que leurs actions ne leur permettaient pas d'atteindre ce rang. Il leur sera alors dit, ceci est en raison d'al-istighfar, de l'imploration du pardon de votre enfant en votre faveur. Ils sont morts et ils ont laissé cet enfant vertueux qui ne les a pas oubliés. Quand il priait dans sa prosternation, il invoquait pour ses parents. Quand il se levait la nuit, dans le dernier tiers, il invoquait pour ses parents. Dans les moments propices à l'exaucement des invocations, la dernière heure du vendredi, le jour de Arafat, il invoquait pour ses parents. Et ceci leur a profité, leur a permis d'être préservés du châtiment et d'être élevés en degré au paradis. Donc tout cela fait partie des actions du serviteur. Des actions pour lesquelles il peut espérer avoir des récompenses augmentées, Inch'Allah ta'ala, et même après sa mort. Et c'est ce qui est visé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 12 de Surat Yasin, lorsqu'il a dit « Inna nahnu nuhyi al-mawta » وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. C'est nous qui faisons revivre les morts et inscrivons ce qu'ils ont avancé comme action, ainsi que leurs traces. Les traces de leurs actions, les effets, les conséquences de leurs actions. Car ils seront également récompensés pour les conséquences de leurs actions. Inch'Allah ta'ala. Ceci était donc la troisième cause parmi les causes d'augmentation des récompenses de nos bonnes actions et qui est que cette action fasse partie des actions profitables pour l'islam et les musulmans et qu'elle ait un impact, un effet et un grand profit pour la communauté. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.